Lors d'un direct, il y en a qui me disent, parce qu'ils savent que je veux me débarrasser du chat, de le garder. Donc, on va calculer tout ce que j'ai payé la moitié jusqu'à date. Puis, je vous rappelle qu'à cette heure, je suis tout seul pour payer ça. Donc, ça, c'est en 2024, une facture 77 et 22. Ah, 2024, facture 197 et 22. Non, et 92, pardon. Ça, c'est en 2023. Facture 130 pièces pile. En 2023, facture 223 et 98, 229 et 96. En 2024, une facture 364 et 53. Puis ça, c'est juste des soins à cause qu'il se bat puis qu'il est tout le temps blessé. Je compte même pas les médicaments. En 2023, facture de 101 et 94. 2023, 716 et 85. Pour un total de, en 2 ans, en 2 ans, puis je paye même pas la taxe que la ville demande, ni le médaillage. Donc, l'oiseau moqueur, pendant un direct, il me dit, garde-le. Garde-le. Avez-vous vu combien il coûte? Puis j'en voulais pas de chat. Moi, j'en veux pas de chat. Je l'ai dû calculer, celle-là. Ah, Inan, j'ai pas calculé. Qu'est-ce qu'on va faire? Minou! Viens, Minou! Viens me voir! Viens, Minou! Viens, viens me voir! Embarque! Bon! Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans l'écran? Qu'est-ce qu'il y a dans l'écran? Il y a une grosse bibitte dégueulasse qui coûte cher. Oui. Hein? Hein? Donc, je vais faire quoi, là? Ben, abonnez-vous, puis je vais monétiser. Je vais monétiser, puis je vais payer pour ce maudit chat de marde. C'est ça qui va arriver. Je vois pas quoi faire d'autre parce qu'il y a absolument personne qui en veut. J'ai essayé de le refourguer partout, puis au niveau des refuges, eux autres, c'est comme quand on donne une fille mère donnée en adoption dans le temps. On n'a pas le droit de s'informer d'où il va, puis comment il va. Donc, moi, je vois pas quoi faire d'autre. Je vois pas quoi faire d'autre. C'est une dépense. Il me tape sur les nerfs. J'en voulais pas de chat, mais tout le monde m'a dit de le garder. Ben, aidez-moi à le payer, l'hostie. Je m'excuse, là, je voulais pas. Hein? C'est ça pareil. C'est ça pareil. Ça revient ben trop cher. Ça a pas de maudit bon sens. Les vétérinaires, c'est des voleurs. Ils ont beau y avoir sauvé la vie 4-5 fois. Il reste que, comment est-ce qu'un chat peut coûter aussi cher en 2 ans? Ça a pas de sens. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, la chaîne, dès que je vais pouvoir, je vais la monétiser. Je vais la monétiser pour faire un fonds pour lui. Si, depuis que je suis tout seul, puis moi j'ai surtout la succession, c'est surtout des passifs que j'ai. Donc, l'affaire, c'est que là, il est au crotte-sec puis à l'eau. Il est au crotte-sec puis à l'eau, puis ça va rester de même. Ça va rester de même tant qu'il ne me rapportera pas de quoi, puis c'est impossible. C'est une dépense. C'est une dépense, un chat, c'est pas. C'est un passif, c'est pas un revenu. Puis, j'en voulais pas de chat, puis je considère que j'ai pas les moyens. Même si je faisais 300 000 par année, je considérerais que j'ai pas les moyens. Donc, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ce maudit chat-là coûte une fortune. Il coûte une fortune. Puis Sam qui me dit, garde-le, garde-le. Ben oui. Hein? Ben, envoyez-moi de l'argent, Sam. Non, jamais je ferai ça. Je vais pas me mettre à demander des dons. Par contre, je suis quelqu'un de quand même assez expressif, hein? On peut pas dire que j'ai pas accès au second degré, même au troisième degré des fois. J'ai un humour subtil quand même. J'accomplis un certain travail. Ben, ce maudit chat-là, si je peux pas m'en débarrasser, ben au moins je vais le montrer de temps en temps. Pour moi, vous pourrez voir qu'il va bien. Mais il risque que c'est tellement choquant, ça me choque tellement. Les vétérinaires, c'est vraiment des voleurs. Robin! J'ai même pas calculé les médicaments, puis les traitements, ci, puis ça, puis le, tout ce qui coûte, tout ce qui coûte, puis la ville, ben, quand ils passent, puis les inspecteurs, puis tout, je m'arrange qu'ils le sachent pas. Robin! Parce que là, faudra en plus que je paye une. Que c'est choquant. Que c'est choquant. Comme je vous dis, moi, j'en voulais pas de chat. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de vivre tout seul puis que j'avais des animaux, je m'en suis débarrassé. Toujours. Ben là, je peux pas. Personne n'en veut. Puis j'ai fait la promesse que j'allais toujours m'assurer qu'il aille bien. C'est parce que ce qui va arriver, admettons qu'il arrive encore quelque chose de grave, puis qu'on monte une facture commune de celle que ça lui a sauvé la vie, là, de 700 piastres et plus, là. Puis ça, c'est même pas. Il y en a que je retrouve pas. Il y en a que je retrouve pas parce que je suis sûr qu'il a coûté plus cher que ça. Ben là, on va faire un fonds pour Petit Gris. Je m'adonner à une des activités que je trouve les plus méprisables, YouTuber, pour le chat, pour que, au moins, avoir un revenu de plus pour lui. Parce qu'en plus de moi, je vis dans un bloc qui est mal isolé, ça me coûte au-dessus de 500 piastres par mois d'électricité. Les passifs s'accumulent, les actifs aussi, mais il reste qu'à un moment donné, j'arriverai plus. Hein? Donc, abonnez-vous. Sinon, le chat, là, il va finir d'un. Je fais attention, il va falloir que je fasse du montage. Là, je suis en train de dire des choses qui risquent d'être considérées comme pas gentilles. Mais il risque. Ça a pas de bon sens, ça. Ça a pas de maudit bon sens. C'est inacceptable que ça coûte si cher. Pour un chat. Un chat que, si au moins j'avais de la vermine à chasser dans la maison. Ben non, il sert à rien. Il sert à rien. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On va monétiser dès qu'on peut. Pour le chat. Sinon, ce gentil minou va mourir. Non, non, c'est une farce, mais quand même. On n'est pas loin d'être là, vu mon mode de fonctionnement. Puis mon système de valeurs, je suis pas loin de mettre l'appartement à son nom. Hein? Elle est toute, toute simple.